Vie de Saint François d'Assise. Par Arvède Barine. Hachette 1901. La lutte. Cependant, Saint François n'avait pas destiné son ordre à vivre dans la paix et dans la solitude, en cultivant des fleurs et en apprivoisant des oiseaux. Il l'avait créé pour être une milice active, qui porterait ses pieds nus sur toutes les routes de l'Europe et des pays infidèles, et il lui avait donné un nom qui précisait sa mission. Il avait appelé ses moines les mineurs, du mot par lequel on désignait en Italie les petites gens. C'était leur dire clairement qu'ils étaient la chose du peuple, son âme et sa voix. Ils le comprirent ainsi et quand le maître, environ 3 ans après son retour de Rome, leur dit en saignant ses reins, « Allons, allons au nom du Seigneur », ils allèrent sans hésiter vers ceux dont ils avaient pris le nom. Et le peuple sentit à l'instant que ces hommes gris étaient pour lui. Leurs instructions étaient de ne jamais juger ni blâmer, d'être abîmés dans le respect devant tous les membres du clergé, riches ou pauvres, bons ou mauvais, jusqu'à baiser les pieds de leurs chevaux. De ne pas avoir une seule parole contre les classes riches ni contre le luxe, de prêcher partout la concorde et l'amour de Dieu et du prochain. Ils restèrent à peu près fidèles à leurs instructions dans les premiers temps et, néanmoins, personne ne s'y trompa. Ils reconnaissaient les droits du peuple, puisqu'ils ne laignaient point comme tous les autres. Ils n'étaient pas pour les nobles et les prélats, puisqu'ils ne défendaient jamais leurs intérêts. Que l'on se représente maintenant la portion culversant ses missionnaires sur l'Occident, sans interruption. Ceux qui partaient étaient remplacés par des néophytes, qui essaimaient à leur tour. Ceux qui revenaient laissaient derrière eux de nouveaux couvents, fruits de leur prédication. Les centres d'action se multipliaient, et les langues se déliaient à mesure qu'on était plus loin du maître. Il y eut bientôt des milliers de mineurs qui n'avaient jamais vu Saint François et n'avaient pas appris à son école combien les forts peuvent être doux sans perdre de leur ascendant. Antoine de Padoue l'avait vu et entendu, et il s'écriait pourtant du haut de la chair, « L'évêque de ce temps si est semblable à Balaam assis sur son ânesse, et qui ne voyait pas l'ange qu'apercevait cet animal. » Qu'est-ce à dire? Balaam représente celui qui rompt les liens de la fraternité, qui trouble les peuples, qui opprime et dévore les petits. C'est ce que fait l'évêque sans sagesse, lorsque, par sa folie, il jette le trouble parmi les nations, et que, par son avarice, il dévore leur substance. Il ne voit pas, celui-là, l'ange de Dieu. Traduction de Frédéric Morin. C'était clair, cela. L'Italie frémit une fois de plus de l'éternelle illusion de l'humanité et se reprit à attendre le règne de la justice. Les mineurs la couvraient à présent d'un fourmillement. Saint François était presque inquiet de leur nombre. Il disait à ses confidents, « Il y a trop de mineurs. On en rencontre trop, on en rencontrait, en effet, partout, cheminant deux à deux sous la pluie et le soleil, haranguant les auditeurs de bonne volonté, et tribuns, autant que prédicateurs. À l'exemple du maître, il laissait au clergé les sermons en latin et se servait de la langue vulgaire, car il tenait à être compris. Si le peuple italien du XIIIe siècle entendait encore le latin, voir, aux Anam, les poètes franciscains, il entendait infiniment mieux son propre patois. Les mineurs lui parlaient, comme de choses possibles, de paix et de fraternité, de justice et de liberté, comme de choses réelles, des droits des peuples et de la dignité humaine. On les écoutait avidement, et il restait de leur passage l'impression que tout n'était pas fini, Ainsi qu'on l'avait cru avec désespoir, et que la détresse des humbles n'était pas irrévocable. Autre nouveauté consolante, Dieu paraissait beaucoup moins loin depuis que les fils de Saint François le vantaient familièrement à tout venant. On recommençait à croire qu'il s'intéressait à l'homme autrement que pour le punir. L'accueil des palais et des châteaux était plus hésitant. Les succès des mineurs auprès du peuple ne laissaient pas d'être compromettants, et le rapide développement de l'ordre n'était pas pour rassurer les nobles et les prélats, qui ne s'y trompaient pas, eux non plus, et voyaient à merveille où voulaient en venir ces mendiants, qui les saluaient jusqu'à terre et allaient ensuite prêcher à leur sujet le vrai évangile, socialiste et révolutionnaire. À Rome même, une partie des cardinaux signalait le danger au pape. L'ère des difficultés sérieuses s'ouvrait. Saint François fit face au danger avec une prudence et une habileté remarquables. Il s'attacha à faire entrer dans tous les esprits, à commencer par ceux de ces moines, que les mineurs étaient les serviteurs obéissants du Saint-Siège et ne seraient jamais autre chose. Leur renoncement au bien terrestre n'était pas un blâme déguisé, une protestation tacite contre les splendeurs mondaines de l'Église, c'était une façon de la compléter, en y introduisant l'élément qui lui manquait. La pauvreté tant aimée par Jésus. Voir, Franz von Assisi, par le docteur Karl Hans Leipzig, 1856. Les nobles n'avaient rien à craindre non plus. Les mineurs étaient instruits à les honorer, et le maître y veillait, de peur que les siens ne commissent des imprudences de langage, il les réunissait à la portioncule, en chapitres généraux, et les exhortait à respecter les prélats, les prêtres, les nobles et les riches. Mais Saint François avait beau faire, les défiances grandissaient avec le succès, et l'ordre des mineurs n'aurait peut-être pas vécu sans un protecteur puissant, qui admirait leur fondateur et approuvait hautement son enseignement. Le cardinal Ugolin, pape depuis sous le nom de Grégoire IX, s'était intéressé de bonne heure à la portioncule et à ses idées, et il s'était institué le conseil et l'appui des mendiants. À dater de 1216, il est intimement mêlé à l'histoire de l'ordre. Il le protège à Rome, le dirige dans les questions d'affaires, le renseigne, modère ou excite son ardeur selon les circonstances, et fait au besoin prévaloir ses avis d'habile politique sur les impulsions de Saint François. Le temps et le crédit du vieux cardinal sont à la disposition des mineurs, les services qu'il leur rend ne se comptent bientôt plus. Les plus signalés furent l'organisation des missions à l'étranger et celle du tiers-ordre. Les premières missions à l'étranger avaient échoué. Partie à la grâce de Dieu pour des pays dont elles ne savaient pas la langue et où leurs costumes n'étaient pas connus, elles avaient été mal reçues presque partout, très insultées, très battues, et étaient revenues découragées. « On ne nous connaît pas, disaient les frères, et on ne nous comprend pas. Nous sommes maltraités par le clergé comme par les laïcs. » Le cardinal Ugolin leur donna quelques leçons de sagesse mondaine. Il leur apprit à préparer les voies et les fit recommander par Rome aux clergés étrangers. Lui-même ne laissa pas ignorer la sollicitude que lui inspiraient ces moines déguenillés. La scène changea aussitôt. Évêques et abbés firent aux missionnaires l'accueil dû à des gens aussi bien en cour. Les couvents sortirent de terre sur leurs pas, et le réseau franciscain s'étendit sur tout l'univers catholique. Il enveloppait les femmes avec les hommes depuis qu'une jeune fille d'Assise, Sainte Claire, avait fondé sous la direction de Saint François les pauvres dames ou Clarisses. La création du tiers ordre le compléta. Saint François en avait eu l'idée devant les foules en délire qui se précipitaient maintenant à sa rencontre dans cette tournée de prédication. Le bruit qu'Assis possédait un saint de Dieu s'était répandu à travers les provinces, et les campagnes se levaient, les villes sortaient en masse pour fêter celui qui parlait face à face à l'Éternel. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants l'escortaient avec des branches vertes. Les cloches sonnaient, la multitude entonnait des cantiques, des rumeurs d'allégresse emplissaient les airs et toute une population oubliait pendant quelques heures les maux de la veille et les maux du lendemain. On n'avait plus qu'un souci, s'assurer une place pour entendre ce que l'homme de Dieu allait dire. Il parlait, et les assistants sentaient passer sur leur tête le souffle de l'esprit. Son vêtement était salé en lambeaux, dit un témoin oculaire, sa personne chétive, son visage pâle, mais Dieu donnait une puissance inouïe à ses paroles. Il prêchait la fin des haines, et les villes faisaient la paix, les ennemis se réconciliaient. On vit des nobles se repentir en l'écoutant et renoncer à leur cruauté. Les auditeurs s'agenouillaient en grande troupe devant Saint François pour qu'il les reçût parmi ses enfants. Il était obligé de les repousser, le nombre des mineurs devenait ridicule. Un jour qu'il prêchait à Canara, à 2 lieues d'Assise, le village tout entier se jeta en pleurant à ses pieds. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous voulaient entrer dans l'ordre. Saint François leur promit de chercher quelque chose pour eux. Ce quelque chose fut le tiers ordre, un des grands événements du Moyen Âge. Rien de plus inoffensif au premier abord. Le tiers ordre était une confrérie religieuse, ouverte aux fidèles des deux sexes qui désiraient mener une vie pieuse et réglée, sans sortir du monde ni prononcer des vœux. 2 ou 3 articles du règlement, inspirés par le cardinal Ugolin, transformèrent l'innocente communauté en une machine de guerre formidable, qui contribua autant et plus que les mineurs à battre en brèche le système féodal. Le chapitre 7 défendait aux tertiaires de porter des armes offensives, si ce n'est pour la défense de l'Église et de la foi de Jésus-Christ ou pour la défense de leur pays, ou avec la permission de leurs supérieurs. Au nom du chapitre 7, les vassaux refusèrent le service militaire à leurs suzerains. Quand ceux-ci voulurent les contraindre, ils trouvèrent en face de le pape, poussé par le cardinal Ugolin, et prêt à les excommunier s'ils molestaient des religieux. Le chapitre 12 interdisait les serments solennels, sauf dans certains cas. Les tertiaires s'en autorisèrent pour refuser de se lier par serment à un seigneur, une famille, une faction. Le chapitre 13 instituait une cotisation, destiné à former une caisse commune. En donnant 1 denier, l'artisan et le laboureur avaient un capital à leur service pour créer une industrie ou pour acheter les terres d'un noble ruiné. Le prolétaire sortait de son isolement, et les grands allaient apprendre à leurs dépens la puissance de l'association. Le peuple se rua dans le tiers ordre. Le royaume de Dieu promis par les moines mendiants s'annonçait par des réalités. Des millions de bras se tendirent vers la perche de salut, et l'on compta, en Italie, ceux qui n'étaient pas affiliés à la confrérie libératrice. Saint François avait enrôlé les premiers tertiaires en 1221, dans une vallée écartée de la Toscane. 6 ans plus tard, à l'avènement de Grégoire IX au trône pontifical, la lutte du tiers ordre contre la féodalité italienne était générale. Les évêques, n'espérant plus de secours du côté de Rome, écrivaient à l'empereur Frédéric II, Les frères mineurs se sont élevés contre nous. Ils ont condamné publiquement et notre vie et nos principes. Ils ont brisé nos droits et nous ont conduits au néant. Et maintenant, pour avoir plus de facilité à énerver notre empire et pour éloigner de nous le dévouement de chacun, ils ont créé de nouvelles communautés qui embrassent universellement les hommes et les femmes. Tous y accourent, et à peine trouverait-on une personne dont le nom ne soit inscrit sur leur liste. Cette lettre se trouve dans le recueil des lettres du chancelier Pierre de Lavigne. Monsieur l'abbé Lemonnier croit pouvoir la reporter à l'épiscopat italien, et ses raisons paraissent très plausibles. La démocratie italienne est sortie du petit cahier où saint François d'Assise avait tracé sous les yeux d'un politique de génie les règles d'une pacifique société pour prier et jeûner. Il acceptait modestement la direction du cardinal Ugolin, qui travaillait avec une adresse n'excluant point la sincérité à exécuter ce que le plus poète des saints avait rêvé. Les mineurs qui se mêlaient de lui donner des avis le trouvaient moins docile. Le succès avait tourné la tête à quelques frères, qui reprochaient à leur chef de ne pas tirer parti de la victoire. Il dépendait d'eux d'égaler la fortune des bénédictins, de posséder des Cluny et des Montcassins, de savants docteurs, des dignitaires marchands avec des cortèges de rois, et leurs fondateurs les condamnaient à croupir dans la misère et l'ignorance. Le vicaire général de l'ordre, Élie de Corton, excitait les mécontents, et l'on commençait à se répéter tout bas que saint François était assurément un grand saint, mais un cerveau chimérique, un enfant naïf, et qu'il était du devoir des siens de le ramener des nuages sur la terre. On essayait, et l'on trouvait en face de soi le plus fin et le plus résolu des hommes, indomptable dès qu'on faisait mine de toucher à une œuvre accomplie en collaboration avec les voix et les visions célestes. Jamais on ne parvint à le rendre plus traitable sur l'article de la pauvreté. Il l'exigeait absolu, impitoyable. C'était le principe même de l'ordre, et il combattit pour elle jusqu'à son dernier soupir. Combat sans cesse renaissant depuis que la poignée de héros de la Portioncule avait enfanté des armées, mêlées comme elles le sont toutes. L'un se hasardait à boire dans un verre. Un vieillard prenait une robe plus chaude. Un couvent acceptait un peu d'argent pour ses malades. Rien n'échappait à saint François, qui savait le danger d'un premier relâchement. Son front se rembrunissait, sa bouche laissait tomber des paroles qu'on n'oubliait plus. Un jour qu'il passait par Bologne, il apprit en approchant de la ville que le couvent des mineurs avait beaucoup bâti, et bien bâti. Il refusa d'y entrer et envoya dire aux moines d'en sortir sur l'heure, jusqu'au dernier. Celui qui raconte cette histoire, dit Thomas de Celano, y était. Il était malade et fut jeté hors de la maison avec les autres. Ils auraient tous couché dans la rue, les malades avec les valides, sans l'intervention du cardinal Ugolin, qui se trouvait par hasard à Bologne et qui obtint leur grâce, non sans peine. Ce fut bien pis quand la ville d'Assise profita d'une absence du maître pour remplacer les cabanes debout de la Portioncule par un bâtiment couvert en tuiles. Saint François ressentit une amère douleur lorsqu'il aperçut de loin les grands toits rouges parmi les arbres familiers. On lui avait détruit son asile chéri, le palais de sa fiancée mystique, la pauvreté. Où donc, soussé au plafond, serait-il à l'aise pour répéter sa prière favorite? Seigneur, aie pitié de moi et de Madame la pauvreté. La reine de toutes les vertus est assise dans la tristesse, repoussée de tous. Semblable à une veuve, honnie et méprisée. Et voici qu'assise sur le fumier elle se plaint, parce que tous ses amis l'ont dédaignée et sont devenus ses ennemis. Donne-moi ce trésor, Seigneur, pour moi et les miens. In Francisia Sisiatis, opera omnia. On insultait sa dame, à lui de la venger. Il monta sur le toit, et les tuiles de voler. Il criait aux moines de venir l'aider, et il aurait démoli le couvent si des soldats, qui le regardaient faire, ne lui eussent représenté que les bâtiments appartenaient à la commune. Saint François a toujours respecté la légalité. Il se soumit tristement. Un grand lambeau d'illusion s'en est étalé avec la portioncule primitive. Il voyait que les frères, dans le fond de leur cœur, étaient enchantés de leur nouveau logis, et qu'il avait trop demandé à la nature humaine. Une autre scène laissa une profonde impression à ceux qui en furent les témoins. Il était défendu aux mineurs de toucher à de l'argent, fût-ce du bout du doigt. L'un d'eux avait trouvé dans la chapelle de la Portioncule une offrande en argent, déposée par un fidèle. Il s'avisa de la prendre pour la mettre ailleurs. Saint François le fit comparaître devant la communauté assemblée et lui parla si durement que l'effroi s'empara des assistants. Le coupable éperdu se prosternait à terre en s'offrant au cou, et fut presque soulagé par sa sentence. Saint François le condamna à reprendre l'argent, avec sa bouche, et à aller le déposer, avec sa bouche, sur les premiers crottins d'âne qu'il rencontrerait sur la route. Afin, dit le biographe, qu'ils méprisassent tous, par-dessus tout, ce qui était ainsi comparé à du fumier. Citation de Thomas Celano. Ce fut au milieu de visages atterrés que le moine s'acquitta de sa pénitence. Aucun d'eux n'aurait cru que le maître pût se montrer aussi terrible. Il y eut pourtant une question dans laquelle le parti d'Élie de Courtonne finit par l'emporter. Les premiers mineurs ne recevaient aucune instruction. À l'imitation des apôtres, ils s'en remettaient à l'inspiration pour prêcher et ne s'en trouvaient pas mal. La théologie cédait la place à des sujets moins abstraits, et les mendiants devaient à leur ignorance une prédication originale, très vivante, mais connue seulement des ambitieux de l'ordre, qu'humiliait la comparaison avec les sermons oratoires et savants de leurs contemporains et rivaux, les dominicains. Élie et ses partisans s'étaient mis en tête de fonder des écoles, où passerait l'élite des mineurs. Saint François n'était pas ennemi des lettres. Il témoignait au papier écrit un respect dont ses moines s'étonnaient, et l'un de ses historiens n'est pas éloigné de croire qu'il faisait lire les maîtres de sa jeunesse, les troubadours, à ceux de ses disciples qu'il en jugeait dignes. Dans cette imagination d'artiste, un mineur avait le droit et le devoir d'être poète. Mais il lui était interdit d'être savant. Un mineur ne devait pas avoir besoin, pour persuader, de raisons apprises dans les livres. Il prêchait avec son cœur et par l'exemple de sa vie, le Saint-Esprit, qui descend volontiers sur les purs et les simples, faisait le reste. Un néophyte avait-il acquis de la science dans le monde, avant sa conversion, Saint François l'engageait à tout dessein à prendre en entrant dans l'ordre. Il l'y aidait en ne tolérant pas de livres inutiles dans ses couvents, et quel livre n'était pas inutile à ses yeux? Un frère demandait un psautier, il lui envoya de la cendre. Un couvent où il s'était arrêté pendant un voyage n'avait pas de livre pour dire les offices, il n'y vit aucun inconvénient et remplaça l'office par une conversation édifiante. Sa religion, toute d'effusion, n'avait pas plus besoin de pratique que de raisonnement. Les premiers qui lui parlèrent d'école furent donc mal reçus. Ils revinrent à la charge, et l'on ne peut leur donner tort, les natures nobles sont rares, et il n'y a qu'elles pour bien porter l'ignorance. Saint François céda sans être convaincu. Ses mineurs étudièrent, et il eut, comme Saint Dominique, des orateurs habiles, bien armés d'arguments théologiques. Il persista à leur préférer les illettrés et les poètes, son cher frère Léon, âme d'enfant dans un corps de rustre, ou frère pacifique, jadis poète de profession et surnommé dans le monde le roi des vers. Il disait aux savants, « Vous vous flattez de convertir les hommes, vous vous trompez. Ce sont mes frères simples qui les convertissent. » Dans la règle définitive qu'il écrivit 3 ans avant sa mort, il mit la recommandation suivante, et que ceux qui ne savent pas les lettres ne se mettent point en peine de les apprendre. Ce ne fut pas sa faute si les franciscains dégénérèrent, et de son vivant même, il avait l'esprit net et voulait bien ce qu'il voulait. Mark Emdan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.